Chapitre 13e, Aurélie. À Paris. La voiture met 5 heures. Je n'étais pressé que d'arriver pour le soir. Vers 8 heures, j'étais assis dans ma stalle accoutumée. Aurélie répandit son inspiration et son charme sur des vers faiblement inspirés de Schiller, que l'on devait à un talent de l'époque. Dans la scène du jardin, elle devint sublime. Pendant le 4e acte, où elle ne paraissait pas, j'allais acheter un bouquet chez Madame Prévost. J'y insérais une lettre fort tendre signée « Un inconnu ». Je me dis « Voilà quelque chose de fixé pour l'avenir » et le lendemain j'étais sur la route d'Allemagne. Qu'allais-je y faire? Essayer de remettre de l'ordre dans mes sentiments. Si j'écrivais un roman, jamais je ne pourrais faire accepter l'histoire d'un cœur épris de 2 amours simultanés. Sylvie m'échappait par ma faute, mais le revoir un jour avait suffi pour relever mon âme. Je la plaçais désormais comme une statue souriante dans le temple de la sagesse. Son regard m'avait arrêté au bord de l'abîme. Je repousse avec plus de force encore l'idée d'aller me présenter à Aurélie pour lutter un instant avec tant d'amoureux vulgaires qui brillaient un instant près d'elle et retombaient brisés. « Nous verrons quelques jours, me dis-je, si cette femme a un cœur. » Un matin, je lus dans un journal qu'Aurélie était malade. Je lui écrivis des montagnes de Salzbourg. La lettre était si empreinte de mysticisme germanique que je n'en devais pas attendre un grand succès, mais aussi je ne demandais pas de réponse. Je compte un peu sur le hasard et sur l'inconnu. Des mois se passent. À travers mes courses et mes loisirs, j'avais entrepris de fixer dans une action poétique les amours du peintre Colonna pour la belle Laura, que ses parents firent religieuse et qu'il aima jusqu'à la mort. Quelque chose dans ce sujet se rapportait à mes préoccupations constantes. Le dernier vers du drame écrit, je ne songeais plus qu'à revenir en France. Que dire maintenant qu'il soit l'histoire de tant d'autres? J'ai passé par tous les cercles de ces lieux d'épreuve qu'on appelle théâtre. J'ai mangé du tambour et bu de la cymbale, comme dit la phrase dénuée de sens apparent des initiés d'Éleusis. Elle signifie sans doute qu'il faut au besoin passer les bornes du non-sens et de l'absurdité. La raison pour moi, c'était de conquérir et de fixer mon idéal. Aurélie avait accepté le rôle principal dans le drame que je rapportais d'Allemagne. Je n'oublierai jamais le jour où elle me permit de lui lire la pièce. Les scènes d'amour étaient préparées à son intention. Je crois bien que je les lis avec âme, mais surtout avec enthousiasme. Dans la conversation qui suivit, je me révélai comme l'inconnu des 2 lettres. Elle me dit « Vous êtes bien fou, mais revenez me voir ». Je n'ai jamais pu trouver quelqu'un qui sût m'aimer. Oh, femme, tu cherches l'amour, et moi donc. Les jours suivants, j'écrivis les lettres les plus tendres, les plus belles que sans doute elle eût jamais reçues. J'en recevais d'elle qui était pleine de raison. Un instant, elle fut touchée, m'appela près d'elle, et m'avoua qu'il lui était difficile de rompre un attachement plus ancien. « Si c'est bien pour moi que vous m'aimez, dit-elle, vous comprendrez que je ne puis être qu'à un seul. » 2 mois plus tard, je reçus une lettre pleine d'effusion. Je courus chez elle. Quelqu'un me donna dans l'intervalle un détail précieux. Le beau jeune homme que j'avais rencontré une nuit au cercle venait de prendre un engagement dans les Spahis. L'été suivant, il y avait des courses à Chantilly. La troupe du théâtre où jouait Aurélie donnait là une représentation. Une fois dans le pays, la troupe était pour 3 jours aux ordres du régisseur. Je m'étais fait l'ami de ce brave homme, ancien de Rente des comédies de Marivaux, longtemps jeune premier de drame, et dont le dernier succès avait été le rôle d'amoureux dans la pièce imitée de Schiller, où mon binocle me l'avait montré si ridé. De près, il paraissait plus jeune, et restait maigre, et il produisait encore de l'effet dans les provinces. Il avait du feu. J'accompagnais la troupe en qualité de seigneur poète. Je persuadai au régisseur d'aller donner des représentations à Senlis et à Dammartin. Il penchait d'abord pour Compiègne, mais Aurélie fut de mon avis. Le lendemain, pendant que l'on allait traiter avec les propriétaires des salles et les autorités, je louai des chevaux et nous prîmes la route des étangs de Comelle pour aller déjeuner au château de la Reine Blanche. Aurélie, en Amazone avec ses cheveux blonds flottants, traversait la forêt comme une reine d'autrefois et les paysans s'arrêtaient éblouis. Madame de F était la seule qu'ils eussent vue si imposante et si gracieuse dans ses saluts. Après le déjeuner, nous descendîmes dans des villages rappelant ceux de la Suisse où l'eau de la Nonette fait mouvoir des scieries. Ces aspects chers à mes souvenirs l'intéressaient sans l'arrêter. J'avais projeté de conduire Aurélie au château, près d'Ory, sur la même place verte où, pour la première fois, j'avais vu Adrienne. Nulle émotion ne parut en elle. Alors je lui racontai tout. Je lui dis la source de cet amour entrevu dans les nuits, rêvé plus tard, réalisé en elle. Elle m'écoutait sérieusement et me dit « Vous ne m'aimez pas. Vous attendez que je vous dise « La comédienne est la même que la religieuse. Vous cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus. » Cette parole fut un éclair. Ces enthousiasmes bizarres que j'avais ressentis si longtemps, ces rêves, ces pleurs, ces désespoirs et ces tendresses, ce n'était donc pas l'amour. Mais où donc est-il ? Aurélie jouait le soir à Senlis. Je crus m'apercevoir qu'elle avait un faible pour le régisseur, le jeune premier idée. Cet homme était de caractère excellent et lui avait rendu des services. Aurélie m'a dit un jour « Celui qui m'aime, le voilà ».